bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est un dîner auquel nous aurions aimé participer. Il a marqué les esprits par la qualité des convives. Oui, mais organiser un tel dîner a pris du temps pour réunir les invités, déjà pour construire le plan de table. La décoration a bénéficié d'une grande attention. Couverts, assiettes, ustensiles de cuisine, verres, tout a été choisi selon la personnalité de chaque convive. La table a la forme d'un triangle où, sur chaque côté, les convives sont placés par affinité. Le plan de table est savamment constitué. D'un côté se trouvent les figures de la préhistoire à l'Empire romain. Sur le deuxième côté, il y a toutes celles des débuts du christianisme à la réforme. Et le troisième côté accueille celle de la révolution américaine au féminisme. Elles sont 39, oui 39 femmes qui ont marqué l'histoire. Alors, qui sont ces femmes invitées à ce dîner? Ben, il y a la déesse primordiale, la déesse de la fertilité, il y a Sainte Brigitte, Théodora, Aliénor d'Aquitaine, Christine de Pisan, Isabelle d'Este et tant d'autres. Sagawawi et beaucoup de femmes, 39 femmes dans ce dîner. Ce dinner party, c'est l'œuvre de Judy Chicago. Exposé au musée de Brooklyn à New York, une œuvre féministe de 1979, une œuvre troublante. La table est dressée, mais les invités ne sont pas là. Les femmes oubliées de l'histoire, mais où sont nos héroïnes? Où sont passées les dames du temps jadis? Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, femmes révoltées, une histoire à réinventer. Mais oui, où sont passées nos héroïnes, celles qui combattent par la plume, par la parole, par les actes et parfois par les armes? Surtout, comment les femmes ont été méthodiquement effacées des discours historiques? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Nous allons en parler avec vous. Bonjour les unes. Les autres, mais les unes. Bonjour Aude Gogny-Goubert. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes actrice, réalisatrice. Vous êtes créatrice de la chaîne YouTube Virago, qui est devenue un livre. Hein. Absolument, V comme Virago. V comme Virago. Ça sonne comme une vengeance. On rappelle ce que veut dire Virago, parce que c'est un mot du vocabulaire français. Virago désigne une femme d'allure masculine, criarde, qui se comporterait comme un homme, comme si c'était une insulte. Or, dans sa définition originelle, il s'agit d'une femme forte, une femme brave, une guerrière, une héroïne. C'était quoi ce projet, dites-nous, Aude Gogny-Goubert de Virago? Rétablir cette définition. Rétablir cette définition et montrer qu'on peut avoir des rôles modèles féminins forts dans tous les domaines qui, dans toutes les époques, ont transcendé leur culture, leur milieu social, leur religion, pour faire des choses extraordinaires. Et souvent, ce sont des femmes dont on a peu, voire jamais entendu parler. D'où l'occasion de redécouvrir des figures qui font notre histoire. Et c'est un peu la même démarche que l'on va retrouver avec nos deux autres invités. Bonjour Blanche Cerchiglini. Bonjour. Vous êtes responsable éditoriale des collections Folio Classique, Folio Théâtre, c'est chez Gallimard. Et puis vous avez donné une contribution à un ouvrage édité aux belles lettres, hein, intitulé « Femmes savantes ». C'était quoi le projet de cet ouvrage « Femmes savantes » ? Alors là aussi, on avait à cœur de ressusciter des femmes d'abord qui connaissaient le latin et le grec, hein, puisqu'on est aux belles lettres, donc des femmes humanistes, des femmes philologues, et des femmes qui avaient eu à cœur de transmettre ce savoir. Et aussi, je crois, et ça c'est ce qui m'a le plus intéressée, des femmes pour qui le savoir est essentiel, fait corps, est intime. Parce que je crois, et on va y revenir, que les femmes savantes, ce sont d'abord des femmes qui ont dû conquérir le savoir, pour qui ce n'était pas évident. Et en plus, Blanche Cerchiglini, vous avez utilisé deux mots qui vont en fait transcender notre conversation ce matin, c'est le corps et l'intime, qui est essentiel hein, quand on étudie l'histoire des femmes. Et puis pour nous parler aujourd'hui de ces femmes méthodiquement effacées des discours historiques, avec nous, Marine Carcanague, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous travaillez à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Mais dites-nous, quel est le thème de vos recherches? Je lis le titre de votre thèse, « Des femmes d'honneur devant la justice, honneur et réputation des femmes dans la France du XVIIIe siècle, diantre associer l'honneur aux femmes ». Pourquoi? Alors en effet, l'honneur a été un, un sentiment qui a souvent été associé aux hommes. Et donc l'objectif de ma thèse est de voir si cet honneur existe au féminin. Donc voilà, bien sûr, la réponse sera oui. Et on va développer tout ça. Ben oui, c'est important hein, de parler de toutes ces figures et de vous avoir toutes les trois qui, par une démarche presque similaire, regardent l'histoire des femmes et notamment les figures féminines longtemps oubliées. Pour le moment, je vous propose de faire un petit tour sur la deuxième chaîne de la télévision française en 1970 dans l'émission Les femmes dans l'histoire. Vous allez voir, nous avons la présentation d'une femme exceptionnelle. Cette femme exceptionnelle est la Française. La Française. On affirme que dans le monde entier, on la reconnaît à coup sûr. Elle a du charme, de l'esprit, elle sait s'habiller avec un rien et s'adapter à toutes les circonstances. Elle accède à toutes les situations et si l'Académie refuse toujours de lui ouvrir ses portes, elle a droit au titre envié depuis peu de Madame la Commissaire. On la trouve également au volant de poids lourds, de tracteurs et même dirigeant un orchestre. Mais pour en arriver là, que de lutte, que d'humiliation, que d'espoir déçu et de rêves envolés. Pourtant, la femme a joué un rôle, sinon essentiel, du moins prépondérant dans l'histoire en général et dans l'histoire de France en particulier. Mais qui se souvient des dames du temps jadis? Quelles sont celles qui ont échappé à l'oubli? En 1970, sur la deuxième chaîne de la télévision française, était posée cette question. Mais quelles sont celles qui ont échappé à l'oubli? Nous étions en 1970, donc depuis, il y a des femmes à l'Académie française. Et heureusement, c'est une question de genre, d'histoire de genre, mais aussi de figure dans l'histoire, la place des femmes. Et cette question de l'oubli est une évidence. Je pense que vous devez le constater les unes les autres. Blanche Cerchiglini, parmi toutes ces femmes savantes, il y a des noms qui apparaissent, qu'on ne connaît pas, et puis qui ont été réinventés. Oui, alors presque toutes étaient très très peu connues. On retient bien sûr Marguerite de Navarre parce que c'est une écrivaine, donc la première femme à avoir écrit des nouvelles en français sur le modèle du Décaméron de Boccace. D'autres femmes ont été occultées souvent par des hommes. Madame du Châtelet par exemple, grande scientifique, la première à avoir traduit les principes de Newton du latin au français, a été occultée par Voltaire, par sa célèbre correspondance d'une part avec Voltaire, fréquentation amoureuse aussi. Ça, c'est quelque chose de tout à fait récurrent. Une femme et un homme dans une correspondance ne peut qu'être amoureuse. On a longtemps dit que c'était finalement Voltaire qui connaissait mieux les sciences qu'elle. Et en fait, c'est tout à fait l'inverse. Donc longtemps, ces relations de correspondance entre un homme et une femme ont été asymétriques. Il était temps de remettre les choses sur un pied d'égalité. Vous avez particulièrement étudié la livraison que vous faites dans cet ouvrage collectif Femmes savantes, Élisabeth de Bohême. Juste, vous pouvez nous la présenter, Blanche? Alors très, très brièvement, elle est née en 1618, elle est morte en 1680. Élisabeth de Bohême est une princesse, mais une princesse immédiatement en exil, déchue, parce qu'elle est la fille de l'éphémère roi de Bohème, Winterkönig, roi d'un seul hiver, 1619-1620. On est dans la guerre de 30 ans. Sa famille, la famille palatine, perd toutes ses possessions, doit partir en exil. Elle est exilée toute sa vie, sans possession, sans royaume. Son père meurt à 14 ans. Toute sa vie, elle est habitée par cette mélancolie, par aussi ce poids de ses charges familiales. Elle a la responsabilité de ses frères et sœurs. Donc en cela, elle est tout à fait typique du poids que portent les femmes. Mais elle est une femme savante, ô combien. Elle parlait 6 langues, elle s'intéressait aux sciences. Elle était une mathématicienne, chose très rare. Elle commence à entrer en contact avec Descartes parce qu'elle a résolu le fameux problème des trois cercles, qui était un problème extrêmement complexe à l'époque. Elle apporte une solution. Alors Descartes lui dit « Bon, c'est bien, mais c'est pas tout à fait ça. » Et donc, elle est connue dans l'histoire, le peu qu'on la connaisse, par sa célèbre correspondance avec Descartes, des années 1640. Descartes a eu deux correspondances avec des femmes très importantes à la fin de sa vie, avec Élisabeth de Bohême et avec Christine de Suède. Suède, chez qui il meurt en 1650. Donc ce que j'ai voulu faire en étudiant ce personnage, c'est la valoriser en tant que telle, la dissocier de Descartes. Ben d'ailleurs, il y a une démarche à faire, c'est qu'il faut retrouver ces lettres d'Elisabeth de Wem. C'est intéressant parce que la correspondance de Descartes, elle, forme un tout. Mais ses interlocutrices, en l'occurrence, sont un peu dispersées ailleurs. Tout à fait. Et là, c'est à nouveau asymétrique. C'est-à-dire que là, c'est la volonté d'Elisabeth. Elle a elle-même organisé cette stratégie que j'appelle d'invisibilité pour sa postérité. Probablement parce que c'était une noble, aussi parce que cette correspondance pour elle était très intime. Elle se confie à Descartes, elle en fait le médecin de son âme, elle confie sa mélancolie. Pour elle, c'était une correspondance intime et personnelle. Donc, elle demande expressément que ses lettres lui soient rendues. À la mort de Descartes, en 1650, l'exécuteur testamentaire de Descartes lui demande l'autorisation de publier ses lettres. Elle refuse. Les lettres lui sont rendues. Ces lettres ont été perdues, effacées pendant 2 siècles. Elles sont retrouvées, par hasard, dans un château en 1879 et publiées. Donc, effacement total de cette figure pendant 2 siècles, à tel point que on publiait la correspondance de Descartes avec Elisabeth d'un seul côté, oui. Du côté de l'homme. Et même Adrien Bayet, le grand biographe de Descartes, celui qui a organisé la mythologie de Descartes, il parle d'Elisabeth, il lui consacre tout un chapitre. Sans la connaître et sans avoir rien pu lire d'elle. Eh bien, cette Elisabeth de Bohême est une femme qui, dans son temps, donc qui est une contemporaine de Descartes, une femme du XVIIe siècle, intéresse les contemporains et nous allons l'entendre à travers un portrait qui est dressé d'Elisabeth de Bohême par Samuel Sorbière, donc un traducteur, un contemporain, dans une lettre écrite le 10 novembre 1657, qui nous est lue ce matin en direct dans le cours de l'histoire sur France Culture par Mélodie Aurue. La cour de la reine de Bohême était celle des Grâces, qui n'y était pas moins de 4, puisque sa majesté avait 4 filles, vers lesquelles se rendait tous les jours le beau monde de la haie, pour rendre hommage à l'esprit et à la beauté de ses princesses. Élisabeth, l'aînée des princesses de Bohême, était quelquefois de la partie. On racontait merveille de cette rare personne, qu'à la connaissance des langues, elle ajoutait celle des sciences, qu'elle ne s'amusait point aux vétilles de l'école, mais voulait connaître les choses clairement, que pour cela, elle avait un esprit net et un jugement solide, qu'elle avait pris plaisir à ouïr Descartes, qu'elle lisait fort avant dans la nuit, qu'elle se faisait faire des dissections et des expériences. Son âge semblait de 20 ans, sa beauté et sa prestance étaient vraiment d'une héroïne. Samuel Sorbière, un traducteur du XVIIe siècle, dans une lettre du 10 novembre 1657, qui dresse un portrait d'Elisabeth de Bohême. Dites-nous, Blanche Cerchiglini, qu'est-ce qu'il y a de particulier d'être une femme savante? Nous avons entendu dans ce que vous nous avez dit qu'elle a une volonté de s'effacer. C'est étonnant, cette démarche, dans cette recherche, hein, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Où sont ces figures d'héroïnes, de femmes qui réfléchissent, de femmes qui ont vraiment eu un rôle dans l'histoire, pourquoi elles ont disparu? Et vous nous dites qu'il y a malgré tout une volonté d'elle-même de disparaître. C'est ça qui est très intéressant. Il y a ce double mouvement contradictoire. Elle veut se cultiver. Donc, en un sens, elle veut être à l'égal des hommes. Mais en même temps, il y a cet effacement. Elle n'a produit aucun texte signé de sa main. La seule chose qu'on connaisse d'Elisabeth, ce sont les 26 lettres à Descartes. Et puis d'autres lettres éparses. Le problème avec les femmes qui n'ont produit qu'une correspondance, c'est que les lettres s'envolent. Les lettres ne sont pas réunies dans des volumes. Elles ont disparu. Elles n'ont pas encore à ce jour été rassemblées. D'autre part, Elisabeth est restée célibataire, sans enfant. Donc bien sûr, disparition totale de sa mémoire et de ses archives. Et elle a fini sa vie abbesse de l'abbaye de Hereford, dans l'actuelle Rhénanie-Westphalie, donc là aussi où elle est enterrée, donc disparition des archives. Ce qui est très intéressant dans le portrait qu'on vient d'entendre, c'est l'association permanente de la beauté au savoir. Ça, c'est quelque chose de récurrent qu'on trouvera, je crois, à toutes les époques, y compris probablement à la nôtre. C'est ce que vous disiez, Aude, juste avant. Pour être savante, elle n'en oublie pas d'être belle, c'est-à-dire d'être femme. Ça, c'est tout à fait important. Tout le monde y insiste, même Descartes, hein, il dit Alors, c'est très, très amusant. Il apprécie beaucoup Élisabeth pour son intelligence, pour ses compétences en philosophie, en mathématiques. Mais il dit aussi qu'il apprécie le fait qu'elle est une femme. C'est-à-dire que même les femmes peuvent comprendre sa philosophie. C'est la raison pour laquelle, il le dit explicitement, il a rédigé le discours de la méthode en français et non plus en latin. Et il dit pour que même les femmes puissent le comprendre. Ça, c'est très important. Deuxième chose, c'est la curiosité. Alors, la curiosité, il y a une très longue tradition antiféministe, hein, misogyne, avec la figure de Pandore, qui est la source de tous les maux, bien sûr. Mais là, ce qu'on a entendu, c'est que Élisabeth ne s'arrêtait pas aux vétilles de l'école, c'est-à-dire au dogmatisme, mais voulait connaître les choses clairement. Clairement, c'est très important dans la philosophie de Descartes. Elle veut connaître les choses par elle-même. Elle veut pas s'en laisser compter. Et c'est pourquoi elle se faisait donner des dissections. Et c'est pourquoi elle interroge Descartes en lui disant « Votre philosophie est passionnante. Néanmoins, je vois un petit problème, c'est l'union de l'âme et du corps. » Et là, elle a mis le doigt précisément sur le point obscur de la philosophie de Descartes, qu'il n'aura jamais réussi à résoudre. L'union de l'âme et du corps, comment ça marche? Elle met le doigt, elle appuie là-dessus. C'est formidable. Oui, ces femmes, c'est vrai que quand nous les redécouvrons à travers vos travaux, à toutes, c'est des femmes qui nous marquent parce qu'elles sont complètement dans leur siècle. Elles sont en échange complet avec, en l'occurrence pour Élisabeth de Bohême, avec Descartes, ce qui n'est pas rien, il y a un vrai échange. Et d'un coup, un précipice se crée par rapport à l'image que l'on en a conservée. Dans V comme Virago, ces femmes que vous représentez, parce que dans le sens de représentation, vous êtes actrice comédienne, hôte Goni Goubert, ces femmes, vous les redécouvrez, mais vous nous les faites redécouvrir. Étonnamment, il y a des noms qu'on ne connaissait pas. Je pense à Alice Guy. Moi, Alice Guy, je vous assure, je ne connaissais pas. Et pourtant, c'est une figure importante de notre histoire. Mais c'est une figure essentielle de notre histoire, puisque Alice Guy est la première femme réalisatrice. Mais au-delà de première femme, c'est la première réalisatrice de fiction. Puisque en 1895, les Frères Lumière sortent leur fameux train qui sort de la gare de la Ciotat et font les premiers films. Mais en fait, ce sont des films documentaires qui représentent des scènes du quotidien. Alice Guy est la toute première à se dire il faut écrire une histoire pour la filmer ensuite. Elle invente la fiction. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de cinéma, on parle des Frères Lumière, on parle de Méliès, et on ne parle jamais d'Alice Guy. Or, en 1896, elle sort le premier film de fiction qui s'appelle La Fée aux Choux, où elle a écrit une histoire, fait des décors, cousu des costumes, et s'est filmée en se représentant. Et en fait, Alice Guy, après ça, est une véritable pionnière, puisque c'est la première à avoir, donc déjà, réalisé le premier film de fiction. Ensuite, c'est la première à avoir tenté des effets spéciaux, fait tourner des acteurs noirs. C'est extraordinaire, sa contribution au cinéma, et elle a été la première réalisatrice, productrice, et elle a produit plus de 700 films. Alors, quand nous parlions d'Élisabeth de Bohême, donc quelques siècles plus tôt, nous avons évoqué une correspondance qui a été perdue. Mais dans le cas d'Alice Guy, il y a une volonté de dire les choses. Elle écrit sa biographie, elle fait une autobiographie, et là, ça n'intéresse pas. Elle a du mal à trouver un éditeur. En fait, ce qui se passe, c'est tout l'inverse d'Élisabeth de Bohême, c'est que Alice Guy, toute sa vie, a cherché à se réhabiliter. Et en fait, ce qui s'est passé, là, pour le coup, l'invisibilisation, elle est complètement volontaire. En 1946, Georges Sadoul sort la première anthologie du cinéma en 6 volumes. Il fait une espèce de grand travail de recherche qui va être encore aujourd'hui, qui va encore faire foi dans les écoles de cinéma aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'anthologie fondatrice du cinéma. Et il zappe complètement Alice Guy, c'est-à-dire qu'il va aller chez Gaumont, il va dire mais à qui appartiennent ces 700 bobines, et un employé de chez Gaumont va dire à moi. Vraiment, ce sont mes films. Et donc, très simplement, Alice Guy disparaît de l'anthologie. Et toute sa vie, elle a voulu se réhabiliter. À l'inverse d'Élisabeth de Bohême. Et toute sa vie, elle a contacté Georges Sadoul en disant « Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas parlé de mes films et vous m'avez, dans l'anthologie, attribué un film qui ne m'appartient pas et que je déteste, que je trouve de très mauvaise facture. » Et il lui a répondu tout simplement « Vous savez, un historien écrit aussi par oui dire. Il y aura d'autres gens qui écriront des anthologies du cinéma. Donc bon, à d'autres de prendre le relais. » Ce qui n'a pas vraiment été fait. Et donc, Alice Guy a disparu. Et donc, toute sa vie, elle a passé son temps à essayer de se se réhabiliter. Alors que c'est quand même, il faut savoir qu'elle est partie en 1910 aux États-Unis. Elle a fondé son propre studio de cinéma, Solac. C'est la première à avoir construit des décors, à faire des tournages en plein air, à faire exploser un bateau pour un film de pirates. Enfin, c'était une femme absolument très connue aux États-Unis. C'était la femme la mieux payée des États-Unis en 1911. Oui, dites-nous, Blanche Cerchiglini. Ce qui me semble très intéressant dans l'exemple que vous prenez, c'est cette opposition métier d'homme, métier de femme. Et on le voyait bien dans le son que vous avez passé des années 70. Très souvent, quand les femmes apportent une contribution, on se dit oh, pour elles, c'est un divertissement. Pour elles, elles s'amusent. C'est pas un vrai métier. Et par ailleurs, le cinéma n'était pas un vrai métier, puisqu'au début de l'industrie du cinéma, comme c'était un divertissement très populaire, ce n'était pas considéré comme un métier noble. Donc en fait, les premiers à avoir vraiment investi le cinéma, ce sont les femmes et les juifs, qui étaient ceux qui n'avaient pas accès au métier noble. C'est quand, avec le krach de 1929, que les hommes ont perdu leur boulot, etc., se sont dit « tiens, il y a peut-être quelque chose de florissant par là, qu'on va y aller », et que petit à petit, elles ont été poussées vers la sortie. Il faut quand même savoir qu'avant 1920, il y avait plus de femmes réalisatrices et productrices que dans toute l'histoire du cinéma. C'est bien de le rappeler, surtout voilà. Dans ce contexte. Surtout que c'est très d'actualité. C'est très d'actualité. Aude Goni-Goubert, je vous présente Alice Guy, mais à travers vous-même. Donc c'est très bien, c'est un extrait de la chaîne YouTube. Mégalo, si c'est complètement mégalo. C'est à travers la chaîne YouTube Virago, Alice Guy, par Aude Goni-Goubert. L'incroyable Alice Guy voit le jour en 1873, près de Paris, à Saint-Mandé. À 22 ans, elle se présente comme sténo-dactylographe auprès de Léon Gaumont. Alors qu'il lui fait passer un entretien d'embauche, il lui dit qu'elle est peut-être un peu jeune pour assumer le poste. Je lui ai répondu que ça me passerait. La voilà donc secrétaire de Gaumont et ravie d'exercer dans un monde où le cinéma voit le jour. Elle assiste aux toutes premières représentations cinématographiques des Frères Lumière. Il tendait un drap blanc au mur et projetait des scènes de rue, des trains qui entrent en gare, des choses du quotidien. Mais Alice cogite. En tant que fille de libraire, baignée dans les histoires, elle pense qu'il faudrait en écrire une pour la filmer ensuite. C'est aujourd'hui une évidence pour la plupart des réalisateurs et l'idée devait flotter dans l'air de l'époque. Mais la toute première à penser au scénario cinématographique, c'est Alice Guy. J'ai demandé à Monsieur Gaumont si je pouvais me hasarder à l'exercice, et il acquiesça, à condition que son courrier n'en souffre pas. Et c'est comme ça qu'en 1896 est né le premier film de fiction au monde, La Fée aux Choux, dont elle était à la fois autrice et réalisatrice. C'était une histoire prime-sautière, juste un essai, mais ça m'a permis de renouveler l'expérience. Aude Goni-Goubert, on entend là votre portrait, un extrait de la chaîne YouTube donc Virago, c'est Alice Guy. Vous en avez croisé plein de ces femmes, nous en avez présenté plein. Est-ce que vous trouvez des traits communs, parce que beaucoup ont été oubliés, il y a une volonté systématique de les mettre de côté, ou en tout cas de les marginaliser? Il y a quelques figures qui dominent, mais c'est toujours le problème de l'égérie qui domine l'ensemble et qui cache en fait énormément de femmes qui ont construit l'histoire. Mais moi, quand j'ai démarré ce projet, on me disait « Oui, mais enfin, une fois que tu auras fait Marie Curie et Jeanne d'Arc, tu n'auras plus rien à dire. » Et le fait est que je n'ai pas parlé d'elle et que c'est fascinant. Moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai quasiment une encyclopédie depuis plus de 800 femmes pionnières dans tous les domaines et à toutes les époques. Et le fait est que le point commun, c'est que le pouvoir, la prise de pouvoir, qui est souvent masculine, occulte comme une menace l'apport des femmes dans tous les domaines. Et ce qui est très étonnant, parce qu'en fait beaucoup d'hommes se sont appuyés sur ces travaux pour faire d'autres choses et auraient pu tout à fait collaborer, et on vivrait dans une société bien meilleure. Normalement. Mais c'est ça le point commun, clairement, c'est le pouvoir, l'acquisition du pouvoir et des volontés politiques. Avec des valeurs masculines, des valeurs viriles qui dominent la société. Ces valeurs viriles, vous les étudiez, Marine Carcanag, quand vous regardez les femmes du XVIIIe siècle à travers l'honneur. Donc honneur, valeur masculine du XVIIIe siècle. Et pourtant, vous constatez devant les tribunaux que les femmes veulent défendre leur honneur. Oui, exactement. C'est vrai que quand on associe l'honneur à l'époque moderne, on pense peut-être immédiatement au duel, hein, qui est vraiment la forme la plus marquante de cet honneur. Honneur dont il faut rappeler peut-être que c'est une valeur essentielle à l'époque moderne. Donc c'est vrai que priver les femmes d'honneur, c'est aussi les priver d'un certain ancrage dans la société moderne, puisque cette valeur, l'honneur, définit la place de chacun dans la société. Et c'est vrai que on avait peut-être tendance à penser, les historiens et historiennes avant, que En réalité, l'honneur féminin était extrêmement tourné vers la sphère intime, la sphère de l'intérieur, c'est-à-dire un honneur féminin qui serait dévoué aux valeurs, par exemple, de la chasteté, de la pudeur. Et donc, finalement, être une femme honorable serait respecter un certain nombre de normes, hein, à la fois morales et sexuelles. Tandis que l'honneur masculin serait davantage social, hein, puisque voilà, être honorable, ce serait pour les hommes, hein, être honorable dans la sphère publique. Et c'est vrai que cette bipartition, hein, entre sphère privée et sphère publique a aussi empêché, hein, de penser à un certain nombre, l'inscription des femmes dans la société moderne en particulier, mais ce serait certainement valable pour d'autres époques. Et regarder un petit peu du côté des archives judiciaires m'a permis de montrer en réalité que les femmes avaient en effet, en tout cas, revendiquaient, hein, l'honneur, en effet, et cherchaient à le défendre. Nous évoquons ici, hein, l'intime sans cesse, mais c'est vrai que, et cela traverse le temps, vous venez de le dire, hein, Marine Carcanag, les femmes sont toujours recluse dans ce monde de l'intime. Et même quand la femme veut en sortir, il y a une lecture qui la repousse toujours vers l'intime. C'est quelque chose que l'on va retrouver avec vos femmes savantes, enfin, en tout cas Elisabeth de Bohême, qui pourtant a tout pour sortir de l'intime. Oui, Blanche Cerchiglini. Là, effectivement, c'est très compliqué, cette notion d'intime. D'abord, il faut dire que ça vient d'Aristote. Il faut replacer les choses à la source. Aristote voit les femmes comme un réceptacle et les hommes viennent leur inséminer le savoir, l'esprit, la raison. Donc les femmes sont tout à fait passives. Les femmes ne sont rien sans les hommes. Ça, c'est la théorie aristotélicienne qui a influencé toute notre société occidentale. Arrive Descartes. Pourquoi je me suis intéressée à Elisabeth de Bohême ? Et pourquoi je parle d'Elisabeth comme d'un proto-féminisme ? Parce qu'avec Descartes, ce qu'il nous montre, c'est que nous avons en partage la raison. Ce qui définit l'humanité, c'est-à-dire hommes et femmes, c'est la possession et le libre exercice de la raison. Donc on peut dire que Descartes, rompant tout à fait avec Aristote, est à l'origine d'une pensée qui sera, qu'on appellera ensuite, féministe. Parce qu'il laisse aux femmes la possibilité d'avoir le même exercice de la raison que les hommes. Alors ça c'est tout à fait important. Pourquoi néanmoins n'en font-elles pas également usage ? À cause des déterminismes sociaux et historiques dont on vient de parler, à cause des charges qui pèsent sur elles. Donc c'est Descartes n'a jamais pensé la question des femmes en tant que telle, parce qu'il ne les sépare pas du genre humain. Alors, pour Elisabeth, il est vrai qu'elle se confie à Descartes dans une relation qu'on a dite thérapeutique. Il est le médecin de son âme, et elle lui confie sa mélancolie. Lui qui se passionnait pour la médecine lui donne des conseils. Et donc, bien sûr, Elisabeth apporte ce qu'on peut appeler son être femme. C'est-à-dire ce qu'elle appelle « je suis imbue d'une grande partie des faiblesses de mon sexe ». À deux ou trois reprises dans sa correspondance, elle emploie cette expression « mon sexe ». C'est-à-dire qu'elle a bien conscience que les femmes peuvent avoir une fragilité dans la santé, mais aussi par rapport à la société. Elle doit s'occuper de ses frères et sœurs, etc. Donc là, il est vrai qu'elle apporte à Descartes un exemple très concret en lui disant « on ne peut pas ne s'occuper que des idées, la raison c'est très bien, mais elle est incarnée ». Et donc le corps agit, et le corps agit sur la raison. Et donc elle prouve en acte cette union de l'âme et du corps. Le corps agit sur la raison, la parole agit aussi sur la société. C'est ce que va nous montrer Milena Hellig, hein, qui s'est emparée des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, pour nous concocter un bricolage sonore et magique. Milena qui réalise, hein, le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Jacques Azubert. Écoutez, ce sont des voix, mais des voix qui font l'histoire, des voix de femmes. 3, 2, 1, 0. Je voudrais dire un mot de l'entrée des femmes dans l'histoire. Je crois que plus les femmes entreront dans la production, entreront à la tribune, entreront dans les forums, et moins la civilisation sera ce qu'elle doit être. On se demandait même si les femmes avaient une histoire, tellement elles étaient figées dans des représentations toujours un peu identiques. C'est plus que ne pas oublier, c'est vouloir porter à la conscience des faits qui doivent rester dans l'histoire. Agnodis, Aspasie, Brunhilde. Alors, en ce qui concerne l'émancipation des femmes, Simone de Beauvoir, est-ce qu'à votre avis, il y a encore beaucoup à faire ? J'estime qu'il y a encore énormément à faire, car tous les droits sont acquis abstraitement sur le papier, mais il reste à réaliser ces droits. Marguerite de Navarre, Murasaki Shikibu, la reine Zinga. Jacqueline Dormy. Elisabeth de Bohême, Marie Reid, Émilie du Châtelet. Alors en gros, dans 5 ans, si la situation de la France est bonne, elle sera bonne pour tout le monde. Si elle est mauvaise, tout ce que je demande, c'est qu'elle ne soit pas plus mauvaise pour les femmes que pour les hommes. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Madeleine Pelletier, Séverine, Docteur Elisabeth Blackwell. Angela Davis, est-ce que vous seriez favorable au grand amalgame des hommes et des femmes dans le monde de toutes les couleurs ? Je crois qu'il faut que nous ayons tous la possibilité d'être des humains. Marie Curie, Mileva Maric, Eddie Lamar, Ada Lovelace. D'autres femmes vous ont précédé à des postes très importants. Je pense à Simone Veil, je pense à Françoise Giroud. En êtes-vous agacée et peut-être même jalouse ? Oh non, pas du tout, j'en suis heureuse au contraire. Je tiens beaucoup à ce que, personnellement, les femmes prennent place dans la vie. Plein de voix de femmes qu'il est bon d'entendre. Réalisé par Milena Hellig dans le cours de l'histoire sur France Culture. Femmes révoltées, une histoire à réinventer. Mais où sont passées nos héroïnes? Celles qui combattent par la plume, par la parole, par les actes et parfois, et oui, par les armes. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Comment les femmes ont-elles été méthodiquement effacées du discours historique de nos sociétés? Ce discours historique de nos sociétés, il est construit bien souvent par des hommes, nous le savons. Et les archives sont souvent produites par des hommes, sauf celles de l'intime, mais qui restent souvent des archives privées. Et vous, Marine Carcanag, vous vous êtes intéressée à des archives judiciaires qui parlent de femmes. Prenons un exemple. Cet exemple, alors, c'est de Marie-Madeleine de Vassé, épouse du sieur de la Roche-Bousseau, qui, au XVIIIe siècle, a voulu défendre son honneur. Qui est-elle ? Absolument. Alors, c'est une femme noble qui vit aux alentours de Chartres et qui, pendant plus de 2 ans, a porté plainte contre son voisin qui s'appelle le sieur de Cône et pour défendre son honneur. Alors, ce qui est intéressant avec cette femme, c'est que son honneur est en fait lié à la défense de privilèges seigneuriaux. Donc, de privilèges puisque c'est une femme noble. Hein, et donc, elle défend en fait l'honneur de sa famille. Mais on voit ici que son honneur, en fait, n'est pas du tout associé à la sphère de l'intime, mais est associé en fait à la défense du nom noble, de sa filiation, de son lignage. Et donc, c'est un cas très intéressant, d'autant plus qu'elle porte plainte seule devant différentes institutions judiciaires. C'est un très très long parcours judiciaire. Notamment, il y a le tribunal des maréchaux. Marine Carcanag, vous nous expliquez ce qu'est ce tribunal des maréchaux ? Oui, alors le tribunal des maréchaux de France, aussi connu sous le nom de tribunal du point d'honneur, c'est un tribunal en fait qui est réservé à la noblesse, qui a été créé en fait pour éviter que les nobles se battent en duel et pour qu'ils résolvent leurs problèmes d'honneur non plus par l'épée, mais par la plume en recourant à la justice. Donc ça c'est un phénomène intéressant aussi d'un processus long où l'État moderne cherche à de plus en plus résoudre les conflits d'honneur, où l'honneur s'intègre au droit. Et donc, en effet, cette institution judiciaire est uniquement réservée à la noblesse. Et les femmes peuvent, en fait, y porter plainte. Eh bien, justement, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous avons le goût de l'archive, donc direction les archives nationales, le fonds privé, celui des archives du tribunal des maréchaux de France, avec une lecture d'un extrait qui concerne, alors, l'affaire qui nous intéresse, celle de la Roche-Bousseau, qui nous est lue ce matin en direct par Mélodie Auru. Les premiers jours de juillet dernier, la dame de la Roche-Bousseau le pria de venir chez elle pour régler à l'amiable quelques droits seigneuriaux. Après avoir discuté quelque temps, la dame de la Roche-Bousseau dit à monsieur son mari de s'en aller dans une chambre voisine et qu'elle réglerait bien toute seule l'affaire avec le seigneur de Bulou. Elle sortit de sa poche 2 pistolets. L'un d'entre eux vola sur le sieur de Cône. Le sieur de La Roche-Bousseau, son mari, qui était accouru au bruit, dit à la dame « Que faites-vous, madame? Voulez-vous nous perdre ?» Ce à quoi la dame répondit « Je veux casser la tête à ce bougre-là. » Ce qui obligea le sieur de Cône à se retirer en criant « À moi, on veut m'assassiner !» La dame a fait des entreprises et des violences inouïes, ayant été par trois diverses fois pêchée dans la rivière avec 15 ou 20 personnes, dont il y en avait armées de fusils et elle de pistolets, dont elle est toujours nantie. La dame demandait à tous les passants s'ils étaient de Bulou. À ceux qui répondaient oui, elle leur disait en tenant un fusil à la main « Va dire à ce chien de Bulou que voilà de quoi le servir !» Le dit sieur avait été conseillé de rendre plainte devant votre tribunal pour avoir permission de faire informer de l'assassinat que la dame avait voulu commettre envers le sieur. Mais plusieurs raisons l'empêchèrent dans ce temps d'en venir là. C'était une femme. En outre, il espérait que son frère, qui était fort ami avec la dite dame, pourrait accommoder le tout. Au contraire, la dame a toujours continué plus que jamais les violences. Marine Carcanac, je comprends pourquoi en préparant cette émission, vous nous avez conseillé d'aller voir un petit peu cette affaire, l'affaire de La Roche-Bousseau au XVIIIe siècle. Dites donc, mais nous avons là une femme de caractère, je veux casser la tête à ce bougre-là. Mais cette expression même de femme de caractère est une lecture toute simple de ce personnage, de cette femme qui veut simplement défendre ses droits. Ça s'est bien passé pour elle, elle a gagné. Alors oui, c'est en effet une femme qui veut défendre ses droits, mais ça ne s'est pas très bien passé pour elle, pour la simple raison que, et c'est le sens hein, de l'archive qui vient d'être lue, la violence est rarement pensée au féminin, hein, et en particulier au cours de l'époque moderne, pour une femme, être violente, ce n'est pas forcément très bien accepté socialement. Et c'est d'ailleurs tout le sens hein, de la plainte du sieur de Boulou hein, qui dénonce hein, cette violence féminine. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette femme qui s'est au départ emparée de la justice pour défendre ses droits va en fait se retrouver sous la dépendance de son mari, puisque les maréchaux, les juges de ce tribunal, vont demander à ce que le mari remette un petit peu de l'ordre dans le comportement de sa femme. Et ils le rendent, en fait, les maréchaux le rendent responsable, rendent le mari responsable des violences de sa femme. Donc c'est au départ une initiative féminine, mais qui finalement est en quelque sorte annulée. Et les maréchaux disent également que si la dame de La Roche-Bousseau continue ses violences, elle sera enfermée. Oui, ce qui pose un véritable problème. Et c'est vrai que cette question de l'action féminine qui est lue à l'aune de ce que pourrait faire un homme pose problème. La violence féminine, vous nous l'expliquez à hein, Marine Carcanac, n'est pas comprise au XVIIIe siècle. Une femme ne peut pas être violente. Alors qu'un homme, on le lirait complètement différemment. Et dans toutes les femmes que vous avez croisées, Aude Gogny-Goubert, dans V comme Virago, c'est le livre hein, qui vient de sortir, il y a aussi cette lecture-là à faire. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui se font remarquer par leur écrit, par leur contribution à la science. Il y en a d'autres qui vont se faire remarquer comme des figures de combattantes, mais elles sont regardées comme des phénomènes d'exception. Oh, comme elles sont fascinantes, ces femmes combattantes. Et il y en a certaines qui sont assez dingues. Hein. Amani Chaketo, qui en Nubie, mais là, nous sommes dans l'Antiquité, a marqué les esprits. Amani Chaketo, elle est notable parce qu'elle est femme guerrière. C'est ça qui fait qu'on l'a retenue. Oui, mais alors après, moi, évidemment, je prône pas la guerre comme une valeur, mais je trouvais ça important de montrer qu'il y a des chefs d'armée, des chefs militaires qui étaient femmes. En l'occurrence, Amani Chaketo, c'est la dynastie des Candaces, et pendant 700 ans, elles ont régné de mère en fille et en protégeant le royaume de Nubie, en montant des éléphants, en dirigeant des armées, en ayant des stratégies militaires extrêmement aiguisées qui ont protégé leur dynastie pendant 700 ans. Et surtout, elles ont repoussé l'invasion d'Alexandre le Grand. Enfin voilà, c'est-à-dire que ça pourrait être un lieu commun, une femme dirigeant une armée. Oui, voilà, c'est ça. ces femmes-là, celles-là en l'occurrence, mais enfin cette dynastie hein, des Candace, donc on est en Nubie, on est en Afrique, ont été retenues parce que l'homme porte un regard sur l'histoire, c'est souvent l'homme qui a écrit l'histoire, et il y a quelque chose d'exotique en fait. Et presque d'effrayant même, ouais. Parce que du coup, la femme qui dirige une armée est presque de l'ordre de, c'est presque de l'ordre de la sorcellerie. C'est-à-dire que forcément, il doit y avoir quand même une force au-dessus qui doit la mener quelque part, c'est-à-dire qu'elle ça ne peut pas être de sa propre stratégie. Et puis on va trouver à peu près les mêmes réflexions quand la femme pense et réfléchit presque à l'égal, voire supérieur à l'homme. Blanche Cerchiglini, c'est un peu ça ce qu'on trouve avec ces femmes savantes. Pourquoi ont-elles été oubliées ? C'est difficile qu'une femme puisse apporter autant qu'un homme, voire plus, à la réflexion. Oui, c'est ennuyeux pour les hommes, très, très, très certainement. Il y a un parallèle à faire entre les femmes savantes et les femmes guerrières, de manière tout à fait évidente. Les grandes figures, Minerve, Athéna, les grandes figures mythologiques étaient incarnées par des femmes qui pouvaient être guerrières. Simplement, certainement, les hommes gardaient leurs privilèges, mais on le voit bien maintenant, encore à notre époque, dans les sociétés, dans les entreprises, les hommes recrutent des hommes, il y a cette camaraderie masculine, on n'est jamais mieux qu'entre hommes, et probablement aussi, on n'est jamais mieux qu'entre femmes. Donc, quand l'un va sur le terrain de l'autre, c'est toujours suspect. Quand la femme va sur le terrain guerrier ou va sur le terrain du savoir, c'est-à-dire des terrains qui ne sont pas les siens, elle prête à rire, c'est les précieuses ridicules, où elle inspire la crainte. Et c'est pour cela qu'elles ont été effacées. D'abord, on l'a vu, leurs archives ont été effacées, leur rôle a été minoré. Alors elles étaient tout au plus des disciples des hommes. Par exemple, la correspondance entre Diderot et Sophie Volant, on n'a aucune lettre qui demeure de Sophie Volant. Alors que ça a été une correspondance si importante pour Diderot, j'ai le volume dans ma collection Folio Classique, lettre à Sophie Volant, correspondance complètement unilatérale. Et alors, quand les femmes se mettaient, par exemple, à écrire, Christine de Pizan qui commence à écrire une fois qu'elle est veuve, alors là, c'est tout à fait exceptionnel. On est au début du 15e. Et d'ailleurs, souvent, ces femmes écrivent des textes utopiques. La Cité des Dames, c'est une utopie. On se souvient d'Aristophane qui écrit Lysistrata, où les femmes font la grève du sexe pour empêcher tant que les hommes continueront à faire la guerre. Et puis l'Assemblée des femmes, où en l'espace d'une journée, elles se mettent à faire les lois. Alors là, elles mordent sur les terrains qui sont ceux des hommes. C'est suspect. George Sand a pris un pseudonyme masculin. Colette a réduit son prénom. C'est devenu son nom. Colette se déguisait en homme. Et puis c'était Willy d'ailleurs. Et alors elle est restée longtemps cachée derrière son mari, écrivant pour lui, lui servant de nègre. Et d'ailleurs c'est pas étonnant que dans les années 1970, au moment où le mouvement féminisme se structure et qu'il y a vraiment une prise de parole dans la société, la notion de femme oubliée ressurgisse parce que c'est un moment où l'on se dit mais si l'on regarde derrière nous, il y a énormément de femmes qui ont fait l'histoire. Un extrait avec l'hymne des femmes, hein. C'est l'hymne du MLF, du mouvement de la libération de la femme, c'est en 1971. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir, debout. Femmes esclaves, et brisons nos entraves, debout, debout, debout. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble révoltons-nous. Debout. C'est l'hymne des femmes en 1971, l'hymne du MLF. Quand nous parlons des femmes, c'est vrai que déjà c'est un progrès. Nous ne disons plus la femme, nous parlons des femmes. Et malgré tout, nous le savons à travers l'histoire, à travers la condition sociale, il y a des situations extrêmement diverses. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les femmes qui ont laissé des traces ou qui ont agi. Comme les hommes souvent, on oublie toutes les femmes qui ont été à la campagne, à la ferme, essentiellement. Et dans cette réflexion, si l'on cherchait un point commun à toutes ces femmes, il y a le corps. Le corps de la femme est un élément majeur. L'homme porte une barbe, la femme ne peut pas en porter. Il y a une distinction très nette. Incarner le corps d'une femme qui a porté l'histoire, c'est quelque chose de particulier. C'est ce que vous faites sur la chaîne YouTube Virago, Aude Gogny-Goubert. Incarner ces femmes, ça apporte quelque chose de plus. Absolument, parce que ça, d'ailleurs, avec tout ce qu'on vient d'entendre, je me dis quand même que l'histoire éclaire quand même perpétuellement notre actualité. C'est-à-dire que vous parliez de Christine de Pizan, c'est quand même la première à avoir théorisé la sécurité des femmes dans l'espace public, qui est quand même un sujet encore très actuel, malheureusement. Mais le corps, évidemment, et surtout le corps a été contraint aussi par les hommes. Le port du corset, le port des talons, perpétuellement, on a trouvé des moyens de contraindre ce corps. Donc, au-delà d'avoir fait des choses extraordinaires, elles ont aussi dû transcender le vêtement comme une contrainte. Ça, c'est très étonnant quand on voit, par exemple, Rosa Bonheur, qui est la première à porter des pantalons parce qu'elle se dit, mais en fait, je travaille, je vais dans les foires aux bestiaux pour dessiner les animaux et j'ai besoin d'être libre de mes mouvements. Et elle porte le pantalon alors que c'est interdit à l'époque. On voit quand même que le corps est aussi un moyen d'assouvissement. Oui. Les femmes ont toujours été renvoyées à une naturalité, et ça c'est quelque chose d'assez terrible, parce que ça les a enfermées dans ce corps, un corps qui est là pour produire des enfants, et les femmes, quand elles ont commencé à s'émanciper, ont retourné ça, et en effet, ont fait de leur corps un argument, un lieu de réflexion, et aussi un étendard, avec les débats actuels sur la barbe, le travestissement. Et au-delà de ça, quand on entendait le Simone Veil dire je m'excuse de parler devant cette assemblée exclusivement composée d'hommes, c'est pendant son discours pour la loi Veil pour l'IVG. Typiquement, la loi Veil sur l'IVG, c'est discuté par les hommes. La discussion du corps des femmes, c'est faite par des hommes. Il y a un véritable progrès dans le sens, une évolution très nette, et c'est pourquoi nous avons réuni toutes les trois aujourd'hui, parce que c'est cette même démarche de mettre à l'honneur des femmes oubliées, inégales face à l'histoire. Marine Carcanag, c'est le titre d'une série de vidéos que vous avez animée, inégales face à l'histoire. C'est un constat en interviewant des historiens, des historiennes, c'est le constat. Tout à fait, c'est une série de vidéos donc que nous avons produite, qui est aussi coordinée par Nicolas Offenstadt, donc à Paris 1 et au sein de l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine. Et en effet, l'objectif, c'était de donner la parole à des chercheurs, des chercheuses, qui éclairent des inégalités, qu'elles soient sociales, politiques, professionnelles, bien sûr. Et en effet, de voir un petit peu, de montrer en tout cas à tout le monde, au grand public, aux enseignants, aux enseignantes, que ces inégalités-là ont une histoire, qu'elles sont construites socialement, et donc de faire un petit peu la lumière sur ces processus. Merci beaucoup à vous trois. Alors, je vais rappeler, parce que c'est vrai qu'il y a de belles lectures, ce sont les femmes savantes aux belles lettres. Merci Blanche Cerchiglini de nous avoir parlé, Elisabeth de Bohème. Merci beaucoup Marine Carcanag d'avoir évoqué cette série de vidéos inégales face à l'histoire, et puis terminez bien votre thèse sur l'honneur des femmes. Et merci également Aude Gogny-Goubert. Donc il y a toujours la chaîne YouTube qui existe où on peut voir ces portraits de femmes, Virago, et puis le livre V comme Virago. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver Anna Esquien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors ce matin Anaïs, dans le journal de l'histoire, vous nous emmenez dans le labyrinthe des monuments historiques. À l'heure où s'affichent et se tractent les programmes culturels des aspirants aux charges municipales, comment se dit le patrimoine dans l'espace public ? Vous le voyez sans arrêt en sillonnant les rues, ce carré renversé qui porte à ses angles des oreillettes, qui évoque des tours de château fort et vous tend la main pour découvrir l'histoire au coin de la route. Sylvie Bettemont, enseignante au Collège des Bernardins, signe un article dans The Conversation sur l'histoire de ce logo des monuments historiques, à la fois si familier et si énigmatique. Le pictogramme qui nous appelle à suivre sa direction pour visiter les traces du passé qui parsèment notre territoire. Ce petit chemin qui sent la noisette, oh, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. On le voit qui fait trois petits tours dans le bois, puis il part au hasard en flânant comme un lézard. C'est le rendez-vous de tous les insectes, les oiseaux pour nous y donnent leur fête. Comment cette image de prescription immédiatement reconnaissable a-t-elle été inventée ? Son histoire est le fruit de nombreux héritages de l'Antiquité au christianisme triomphant. C'est le labyrinthe de la cathédrale de Reims, disparu au XVIIIe siècle, qui a inspiré les graphistes. En supprimant les personnages qui le peuplaient et en le basculant sur un de ses angles, ils ont inventé un symbole évocateur de vieilles pierres et d'histoire. Sylvie Bettemont rappelle l'histoire mythique du labyrinthe, créée par l'architecte Dédale sur ordre du roi Minos pour enfermer le Minotaure, monstre effroyable, créé par Vénus pour punir Apollon de ses infidélités. Le mythe du Minotaure et de son labyrinthe circule avec succès une fois christianisé. Les motifs graphiques qui y font référence se multiplient pour représenter les pécheurs coupables qui sommeillent en chacun de nous et le combat de chaque instant qu'il faut leur opposer sur injonction de l'Église. Par quel chemin les graphistes du ministère de la Culture sont-ils passés depuis l'antre obscur d'une créature mythologique jusqu'au donjon médiéval pour flécher le patrimoine ? Aujourd'hui, l'esprit qui préside consiste plutôt à louer le génie des constructeurs et des architectes, la prouesse de Dédale, pour inventer une multitude de chemins, une errance à travers les visages multiples de notre patrimoine officiel. Merci Anaïs, et rien de labyrinthique. Pour réécouter ou podcaster le journal de l'histoire, il suffit de se rendre sur le site internet franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Diodès, Camille André, Aurore Juvenel. La programmation est assurée par Amélie Perrault, des émissions que vous pouvez réécouter sur le site internet franceculture.fr. Et puis, les podcastés, c'est la balado-diffusion. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, le cours de l'histoire, pour les commenter, ces émissions, et pour en parler. Toute la semaine, nous parlons des femmes révoltées, une histoire à réinventer. Oh là là, mais elle est en train d'être réinventée. Demain, nous allons parler des sœurs d'armes. Oui, ces femmes qui ont pris les armes. Et puis, nous continuerons avec les insolentes adolescentes. Comment la société regardait ces jeunes femmes et leur corps principalement. Et puis, nous allons parler des femmes combattantes et des révolutions féminines dans le monde arabe. Une semaine sur les femmes révoltées.